enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Si vous venez à Paris, n'oubliez pas de monter au-dessus. Au-dessus de la place Pigalle, là-bas, vers Aves. Faut venir vers 6h30 du matin. C'est là où vous aurez des chances de me trouver. Après le troisième réverbère entre deux poubelles, si vous voyez un tas écrasé dans sa pisse, en général, c'est moi. Vous êtes presque arrivé. Je vous tendrai le doigt. Et à 15 mètres, vous y êtes, dans le bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y'a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénue qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs. Par le sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact, toujours brûlant, de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle des bars, tabac de la rue des Martyrs. Dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a les seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dote, c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact, toujours brûlant, de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a des vieux gars tatoués par qui rencontrent leurs souvenirs. Y'a des voyages en piste par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les brises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde, la gueule défoncée, entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire! Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Merci, salut! Salut, salut! Reste ici, toi. J'ai écrit un texte il y a quelques jours et je le trouve cliché. Pas très réussi, mais je vais vous le lire. Non, mais écoutez, il faut se lancer même si c'est pas très al dente comme la pâte alimentaire. Fais-la-moi bouillir sans les cuillères. Manque de veine, j'atteindrai mon héroïne. Là où dégoûte la gouttière, prière de ne pas prendre de clichés ni d'images préfabriquées, même si chaque nuit elle passe irrégulière, les lisières avec la mort se donnent le mot en attendant le point final. Ben, c'est pas si pire. C'est quand même assez bien. Je m'excuse infiniment auprès de l'auteur Reynald Gagné, puisque j'ai trouvé ça quand même... Il y avait une lueur d'espoir dans l'écriture, là. Hein? On sent... écoutez, monsieur, moi qui est une maîtresse... En métaphore, donc je suis une métaphoriste. Hein? Métaphoriste. Ist. Issant. Nissant. Oh non, pas de publicité. Et puis donc, elle voulait vivre son moment de poupée gonflable déguisée en princesse où inconsciemment, sans trop réfléchir, tout ça se terminerait en une crevaison amoureuse où le travestissement de l'époux ressemblerait à un chèque de pension alimentaire. Que c'est beau, la vie! Robert Lepage et le Orson Welles québécois. Pour les gens qui connaissent Orson Welles, toute sa tentative à amener la création au public et tout le freinage qu'il a eu auprès des producteurs, des gens de l'industrie, parce qu'il ne voulait pas lui remettre de l'argent pour ses idées exceptionnelles. Bon, on comprend. Je viens de le dire, hein? Je suis pressé de prendre mon temps avec vous cette nuit, madame, mademoiselle et votre monsieur. Monsieur qui? Monsieur Tancred. Tancred. Tant qu'il restera des Tancred, l'existence humaine pourra poursuivre son cours. Oh mon merci! Ah, oh, quel bel éloge au Tancréasse! Oui, au Tancréasse. Le Tancréasse jamais n'efface les souvenirs des beaux jours brassés. Brasse-moi ça, bien. Tendre jeunesse. On peut s'en mettre deux, oui? On a du budget. Tendre jeunesse. Toi, oui, donc, toi qui nous laisse tant de tendresse. Bon, mets ton well, ton bateau à well, mets ton bateau à well à l'eau, mets ton well, et de regrets où sont passés, mais je t'aime. Oh, mais, hein? C'est un crooner. Où sont passés les bonjours. Bonjour! Non, c'est bonsoir. Bonsoir! Bonsoir, ma Beaumont! Monsieur Costa Badras, le grand réalisateur Bostas, hein? Bosté? Vous n'allez pas mourir à soir? Prenez des grandes respirations. Et monsieur, vous êtes un fumeur, hein? Continuez à fumer. On vous aime demain. Contribuez. Nous devrions recevoir le code éthique du journalisme. Oh non, Nous devrions revoir le code éthique du journalisme contemporain à l'heure du cybernétique et de la télédiffusion en continu. Parce qu'il se passe n'importe quoi. On raconte des conneries. Là, le n'importe quoi là-dessus a sa place. Hein? J'ai toujours dit, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'on n'a pas la compréhension, le bagage nécessaire pour saisir. Le n'importe quoi, là, c'est pas vrai. Et ça peut être... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit n'importe quoi. Je me trahis moi-même. Je suis un... Attends un peu. Monsieur... On va faire comme moi, j'ai le fontaine. Attention. Yann Traillère, le réalisateur Yann Traillère! Non, OK, si vous êtes trahi, trahissez! Je vais faire comme Brigitte Fontaine, là. Dans sa chanson, comme à la radio. Traducteur, traduisez. Trahisseur, traduisez. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais écoutez, je préfère me tromper que de me taire. Ça vient pas de moi, ça vient de Jean Brel. à manger ce qu'il mange, à boire ce qu'il boit et à fumer ce qu'il fume. Il est fait en acier inoxydable, ce mec. Doudou, didou, didon, doudou, doudou. Majolin, majolin, c'est tout le monde bon. Majolin, majolin, c'est tout le bon. Ah, imaginez-vous quand je suis allé manger dans un petit restaurant, petit restaurant. Et puis je connaissais un peu la clique. Et le cuisinier me connaissait beaucoup. Ben, beaucoup dans le sens qu'il venait souvent à l'endroit où je travaillais. Et là, on dit, hey, c'est Renald, il vient manger avec une amie, puis avec. Et j'ai dit, tu passes au cuisinier, il va me cracher dans le plat, toi, là. Non, mais voyons donc. Non, j'aimerais ça que tu restes à côté. Supervise, supervise. Quand c'est un petit restaurant, là, il y a 8 places, là. Supervise, OK? Parce que je sais que tu as eu des petits problèmes de... Bon, hein, il se promenait, puis vous avez mis du poison, là, des rongeurs. On les nommera pas. C'est pas Pierre Borzi, là, les vrais rongeurs. Alors, il peut rester quand même quelques poudres. Pas de la poudre, mais de la poudre. Fait que si je veux pas qu'il y ait ça dans ma nourriture, moi, là. En plus, vous êtes distingué, vous avez des fourchettes Michelin. Parce que Michelin est venu. Parce que est-ce que vous connaissez un peu la littérature gastronomique? Il y a le guide Michelin, la grosse Michelin, 350 livres d'amour, qui va de restaurant en restaurant. En fait, on la met dans une chaudière, puis elle se promène. Madame, mais on vous a envoyé chez. Ouais. Chez Solange, casse-croûte. Oh, on mange la patate. Vous allez manger la patate. La grosse patate. Mais là, la grosse patate, je sais pas, là. Elle n'est pas si grosse que ça. Elle est fine comme un fil de soie. Ah, tu veux le soie, ça? Non, c'est de la salive qui est postillée. Ah, non, faut pas parler de ça. Les gens l'ont pas vu. Sauf à TV. Si vous la regardez à TV, l'émission, là. Parce que c'est télédiffusé. Es-tu malade? Ben oui. Ben oui, c'est sur les internets. Je ne sais pas en quelle année, mais c'est sur les internets. Tout ce qui se passe ce soir. Les autres soirs aussi. Toutes les émissions. Fait que là, la grosse patate, ça, on va voir la grosse patate. Ils discutent ensemble. Il y a quand même une relation assez intime. Là. Combien tu fais de graisse? Oh, j'en fais pas mal. Tu bouilles-tu? Oh, moi, je bouille, je frie. Oh, mon Dieu, ça a la tête, tu le vois. Partout. Oh, ben, ça se fritait, tu sais. Ça se comparait. J'ai dit ça se comparait. J'ai eu comme la glotte qui... pendant que je parlais. Hey, en parlant de parler, c'est bon. Cette semaine, 8 personnes, je les ai comptées, 8 personnes m'ont dit « Pourquoi tu fais pas un spectacle? » Moi, je me vois pas en train de faire un spectacle. Personnellement, vraiment pas. Devant public, là, si tu fais pas un spectacle devant le public, c'est pas un spectacle. T'as totalement raison. Puis surtout que moi, c'est de l'improvisation. Fait que si je floppe là, devant le public, si j'ai plus rien à dire, là. Les gens ont payé, là. Comment ils peuvent payer pour voir un spectacle, je sais pas, là, vite de même, là. Je sais pas, 300$, 400$. Comment ça, je suis malade? Ça. Hein? Pardon? Ça, non, pardon? 5$? Voyons, je vais improviser, je vais monter sur scène, je vais suer comme un porcelet pour 5$. Bon, je sais qu'il va y avoir plus de personnes, là, mais exemple, s'il y en a 5, ça va faire 25$. 25$, si la salle coûte à peu près 300$, ça va me coûter de l'argent, moi, là, pour faire rire tout le monde. Mais. En tout cas, écoutez, plus je me le fais demander, là, plus j'y songe. On verra. Peut-être pour mes, je sais pas moi, mes 30 ans. T'es 30 ans radiophonique? Non, mes 30 ans d'âge. D'âge. T'es comme le vin, toi, ça se diminue ou ça répétisse? Non, même pas comme le chat. Le chat, ça multiplie par 7. Le chien, ça c'est le chien. Qu'est-ce que ça fait? Le chien, on sait pas le chien. Détruire pour mieux reconstruire autrement l'image d'une société qui n'existe pas encore. Ça, c'est le côté un peu punk, hein? Détruire pour mieux reconstruire autrement l'image d'une société qui n'existe pas. Non, je ne suis pas tombé. J'ai vérifié ce qui avait descendu sur le sol d'une manière assez effrénée. Puis c'est un corbeau bellecteur, mais le corbeau bellecteur n'a pas décentralisé l'image derrière. Comme je vous disais tantôt, c'est pris en HD, je l'ai eu du premier coup, c'est HD, haute définicon. Et pour avoir du con, il y en a du définicon là-dedans. Ah, là. Oh, vous allez, ah, oh, mes lunettes, regardez. Les gens à la radio, ils disent, c'est un malade, on ne les voit pas, ces lunettes. Puis là, je voulais dire, parce que j'avais un gag là, avant que ça fasse ton... Je reprends encore pour la troisième fois. Détruire pour mieux reconstruire autrement l'image d'une société qui n'existe pas. Et si tu n'existes pas, dis-moi comment j'existerais. Pourquoi je sais pas pourquoi la bouche croche? C'était toi. Sans espoir et sans regret. Sans regret, sans regret, sans deux regrets. Disons, 103. 103 de fièvre, là. Moi, ils m'ont dit à 106, va à l'hôpital. Va à l'hôpital et puis hospitalise toi-même. Non, mais tu peux t'hospitaliser toi-même. Parce que moi, là, je prendrais. Je vais vous expliquer ce qui va se passer, là. Bon, au mois de juillet, moi, je vais déménager. Je suis seul à mon appartement. J'ai une chienne. J'amène ma chienne. J'ai beaucoup de difficultés à trouver un appartement avec une chienne à quatre pattes. Elle n'est pas saoule, elle est chienne à quatre pattes. Et bon, c'est pas de la misogynie, madame, c'est une chienne, voyons donc. Elle s'appelle Michigan. Michigan. C'est bon, hein? Je comprends pas pourquoi je l'appelais de même. Si tu devais manger quelque chose avec la sauce à spaghetti. Et puis, je me laissez faire, madame. Non, fermez la bouche. Et puis, là, c'est ça. Et moi, je me cherche un 3,5, mais je me suis dit un 4,5 parce qu'il y a un appartement. Je vais faire un hôpital dans mon appartement. Comme ça, quand je vais aller à l'hôpital, je vais rester dans mon appartement, mais dans une autre chambre. C'est une bonne idée, hein? Pour désencombrer l'industrie hospitalière. Le moment hospitalier, en tout cas, les hôpitaux. Les hôpitaux. Et tipito, gorlo, à tipito. Y a-tu des gorlots à l'hôpital? Non, y a-tu des pitots à la garlot? La garlot des amoureux sans l'emplir des codes de vie. Les amoureux au cœur orageux. Hein? Au cœur orageux. C'est vrai, c'est bien d'avoir un cœur orageux lorsqu'on est amoureux parce qu'à un moment donné, ça va éclairer. Il pleut sur tes 50 ans. Et le vent charrie tes rides. Les vents charrient tes rides dans le vent du soir, noyant ma peine et mon désespoir. Pourquoi je chante tout le temps? Il y a quelques années, j'habitais encombré, avec un encombrement. Puis cet encombrement-là me disait... Non, c'est pas misogyne. Bon, Pardon? Non, c'est pas misogyne. Cet encombrement-là me disait... T'es comme un jukebox. Tu dis un mot, puis ça t'allume sur une chanson. Ouais. C'est dans les chansons. Non, on l'a fait. Je l'aime ça. Je l'aime celle-là. OK? 15 secondes. Top chrono. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à rire. Mais c'est dans le lit qu'on vit des chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. Oui, c'est, j'ai dit 15 secondes. Ah oui, c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. Ça fait une heure et demie que je chante ça. Bon, OK. À la c'est bon. À la Brigitte Fontaine, m'en allant l'écouter, j'ai trouvé l'artiste si vrai que je m'y suis intéressé. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne la prêterai. Un hommage à Brigitte Fontaine, mon ami. Elle ne sait pas que je suis son ami. Elle a dit quelque chose sur les Québécoises que j'ai diffusé il y a quelques années, quelques mois. Et je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, j'ai diffusé. Comme c'est mon ami. Bonsoir. Me retrouver ici ce soir sur ce plateau de télévision à raconter le problème que j'éprouve avec mon âge me rend mal à l'aise. Malgré mes 23 ans, je me sens vieille. Mon groupe d'amis se situe entre 11 et 13 ans. Je m'épanouis avec eux. Nous jouons à la bouteille et j'en profite pour en boire quelques gouttes. C'est une coquine, oui, c'est une grosse coquine. Exhiber ma maladie mentale devant vous à la télévision m'indispose légèrement, mais je m'en rends pas compte. Merci, télévision, de me présenter sur mon plus beau jour. Insignifiante. Paraît-il que la couleur tendance se veut cette année? J'ai dit qui? Excusez-moi, c'est une prise de karaté mental pour ne pas devenir karaté kid mental. Toi, mon champion, t'es un karaté kid mental, troisième Dan. Danné sur le pion. Échec tomate. Et pour ne pas dire échec tomate, les tomates sont fuites. Se fuit en gémissant. T'as dit, un peu, toi. T'as dit, les tomates s'en vont en gémissant. Presque ça, oui. Avez-vous, madame, vous êtes madame ou monsieur? Je suis intermédiaire. OK. Bon, alors c'est quoi ta intermédiaire? C'est mi-homme, mi-femme. Vous êtes David Bowie. Alors, David Bowie, écoute-moi bien. Mi-homme, mi-femme, David Bowie. Being beyond, mon Dieu. Paraît-il que la couleur tendance se veut cette année? Voyons, elle va-tu lâcher le veau? On sait bien que les tivaux, hein? Bon, on cherche hein? Bon. Paraît-il que la couleur tendance se veut cette année? Le marron? Pas le marron! Oh, ma couleur préférée! Pourquoi? Parce que c'est le marron. C'est le marron qu'il nous faut. Hey, pour avoir des marrons, il y en a-tu des marrons au Québec? C'est pas juste du brun, là. Hein? Le marron, il y a le marron caca, le vrai caca. Celui qui dit, hey, la lumière est rouge. Je cantinesse. Hein, oui, c'est ça, les messines. Mes empoirés me boivent tout. Hein? C'est quelqu'un qui m'a dit ça, moi. Mes empoirés me boivent tout. Je leur ai créé du travail. Donc, de l'intégrité. Donc, un statut social dans la société. Ils me boivent tout. Toutes mes bouteilles de Bordeaux. Toutes mes Porto. Toutes mes Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. C'est un cuisinier, c'est un chef cuisinier, c'est un propriétaire de restaurant qui m'a dit ça. Un vendredi. Sa langue a fourché en voulant me dire que ses employés lui devaient tout. Il m'a dit, mes empoirés me boivent tout. Merveilleux, là. C'est pas vraiment ça qu'il a dit, mais c'est comme ça que je l'ai décodé. C'est fou, hein?

On arrivait, toute la famille, le père, la mère, les 10 enfants. Et on entrait, tous à la file, il y a donc de la place au jour de l'an. Après, c'était le bal qu'a chanté Fillon, les grands bals de la parenté. Quand tout le monde était arrivé, il y avait le mononcle des États qui collait les 7 en anglais. La ma tante qui jouait au piano, l'Ave Maria de Gounod. Puis il y avait moi et mon enfance, et l'enfance qui revient jamais. Pépère Moïse, mémère Agnès, c'était dans le temps de leur vieillesse. La vie s'achève doucement pour les grands-pères, les grands-mamans. On les entoure de tendresse, on fait comme si de rien n'était. Mais c'est autour d'eux qu'on s'empresse. Ils seront peut-être pas là l'an prochain. Ils dansent encore la gigue, mais ça dure pas longtemps. C'est rien que pour nous faire plaisir. Après ça, tout le monde est content. Et puis le bal se continue sur le prélor ciré du salon, avec les mononcles et ma tante qui dansent au son de l'accordéon. Ça vous fait tout un happening, comme on n'en reverra plus jamais. Pépère Moïse, mémère Agnès, c'était dans le temps de l'allégresse. On n'avait pas besoin de bébelle pour être heureux la veille de Noël. Avec deux pommes et une orange, on entendait chanter les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, faites vos jeux. C'était comme une serre chaude au cœur des longs hivers, un abri contre la frayeur. Quand venait le soir et la noirceur, et quand il fallait se quitter, c'était comme si c'était pas vrai. Chacun allait de son côté, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait. On s'en allait tous vers la vie, et pour la vie qui revient jamais. Ah, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Oui, excellent. Là, je me dis, je ne sais pas si tu vas me repérer à l'intérieur. Hein. Comme tu veux, comme tu t'arranges. Non, mais je pensais que tu n'allais pas me repérer. Ah, si, tu as reconnu. Puis en plus, tu as un micro. Ouais, mais c'est parce que c'est pas non plus ce qu'on regarde le plus, hein? Non, je t'ai tout de suite reconnu par rapport à ta photo. Ah oui, ben oui, mais... Pourtant, je ne suis pas très physionomiste. Ah oui, ben... Tu permets, je vais tout à l'heure. Oui, ben oui, oui. C'est au fond, à gauche. Thank you. Tu viens souvent à Paris? Oui, à chaque année. C'est vrai? Ah oui, ah oui. Tu viens pour une occasion particulière? Pour ça. C'est vrai, mais alors comment tu me connais? Parce que moi, j'ai passé qu'un seul mois à Montréal à l'époque. C'était par rapport à l'époque où j'étais venu au Saint-Denis, tout ça. Ouais, j'ai un extraordinaire souvenir. Ouais, mais l'année dernière, j'ai essayé de nous rencontrer, mais ça ne coïncidait pas. Ah bon, pourquoi? Ouais, ben je t'avais envoyé un courriel, puis il n'y avait pas eu de retour. Ah bon? Mais écoute, par mail ou par Facebook? Je crois par les deux. J'avais commencé par Facebook. Et j'ai un Facebook qui n'était pas le mien, quelqu'un a pris usurpé, je sais pas quoi. J'ai eu un mal fou à fermer, et puis il y a l'autre, celui Ah, mais c'est ça. C'est l'année dernière. Hein? Ou peut-être mail, je ne sais pas quel mail tu avais. Enfin, okay. C'est dommage parce que. Mais c'est sur le Facebook. Hein, quand tu te préfères à propos d'eux, okay, tu ouais. regardes et tu as l'adresse courriel. Donc, j'ai réappliqué sur Hotmail ton adresse courriel et j'ai pas eu de retour. Ah, c'est étonnant. Ah, mais c'est pas grave. Là. Mais, c'est dommage. Non, mais moi, je suis du genre à toujours réessayer. T'as raison. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir Jean-Pierre Coffre en 2 ans. Ah oui. Quand même, c'est super, quelque chose d'assez intéressant, oui. Ouais. Ton père est comédien aussi? Mon père est comédien aussi. Ouais. Mon père est un acteur très populaire en France, assez connu. Ouais. D'ailleurs, j'ai créé un spectacle là-dessus sur qu'est-ce que c'est que d'être un enfant ou qui a du mal à se faire une place, à prendre sa position par un père très présent. Pas lui volontairement, parce qu'il a toujours été très généreux, très... C'est un mec super, mais c'est vrai que avoir une place de notoriété populaire, tu vois, en tant que fils, ça peut être aussi fils de PDG ou fils de boucher ou fils de plombier qui essaie d'être dans son quartier. On a du mal. Il y a une amie qui m'a dit qu'elle avait fait un reportage sur des gens qui avaient fait carrière à Strasbourg. Elle leur avait dit mais pourquoi vous êtes ici? Et tous avaient répondu par rapport à mon père. On a voulu se barrer, tu vois. Oui, oui, s'éloigner de. Et on a voulu s'éloigner d'une. Comment on pourrait appeler ça? Du côté vampirique aussi. Hein, voilà, oui, vampirique. Enfin, puis tous les jours, on te rappelle que tu es le fils d'eux. Toujours, on te dit, ah, mais ton père, tu es le fils d'eux. On te présente le fils d'eux, ouais, etc. Ouais, vraiment, ouais. T'en as un peu marre. Ah, quoi, ouais, tu vois. Et lui, il n'a jamais voulu ça, quoi. Ouais. Il n'a jamais voulu ça, quoi. Donc, mais je m'entends bien avec lui. Puis il est étonnant. Il a 76, 77 ans. Il continue à travailler. Il écrit beaucoup. Il continue à jouer. Il a même fait un téléfilm très important avec Pierre Arditi. OK. Donc voilà, mais moi mon passage, ça m'a fait plaisir de t'entendre et de voir ton mail parce que le Québec m'a toujours énormément manqué. Quoi. À une époque, je voulais vraiment y aller. Et moi, j'avais un contrat, alors, je sais pas s'il faut dire ça, s'il faudra pas que tu le coupes, mais j'avais un contrat avec Roson, juste pour rire, nous lie, on n'avait pas le droit d'aller jouer ailleurs, j'avais pas le droit de revenir au Québec sans son autorisation, j'avais pas le droit de faire ceci sans lui, sans lui et tout. Maintenant, c'est fini, basta. Mais j'ai des souvenirs de clubs, Comedy Zone, je sais pas si ça existe encore le Comedy Zone et tout, ça existe plus. Non. Il y avait Comedy Zone, on avait fait d'autres clubs et tout, c'était génial. Quoi. C'était génial. C'était tout ce que j'aimais moi. Parce que moi, dans les années 80-90, j'avais été beaucoup marqué par certains stand-up aux États-Unis. Et j'étais fan, un grand fan qui est mort très jeune, d'un grand humoriste américain qui s'appelait Bill Hicks. Oui. Et j'étais fou de ce mec, ainsi que George Caroline. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je voulais absolument voir Bill Hicks et il venait de mourir. Je voulais aller à ses enterrements, mais c'était au fin fond de l'Arizona, ou c'était fin fond d'un. Mais je crois qu'il fallait être invité. Hein. Comment? Il fallait être invité. Il fallait être VIP. Pour son enterrement? Oui, oui. Sans blague. Oui, ben oui. Oui. Mais pourtant, il est mort dans le total. Bonjour. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu prends? Non, toi? Moi, je vais prendre. Vous avez Carvichy? Non, Badois, derrière. Un Carvadois? Au car, si vous avez, super. Moi, je vais prendre une blonde. C'est green qu'on prenait. Hein? Oui, s'il vous plaît. Oui. oui, s'il vous plaît. Et ah bon, comment ça? Je ne savais pas, ça, dis donc. Oui, oh oui. Étonnant. Oui, c'était en fait sa famille proche qui ne voulait pas avoir. Le showbiz, tout ça et tout. Est-ce que je comprends? Ah, lundi matin, il y avait une grosse commotion. Le patron, ça va pas bien. Il n'y a plus de petits crayons. Le patron des Boriens, sans hésitation, il fallait lever la main. 1, 2, 3, réunion. Trouver une solution, qu'est-ce qu'on fera bien? Une réquisition, le patron c'est quelqu'un. Quand le moment est venu de passer à l'action, il s'est bien aperçu, il y avait pas de petit crayon. Les Boriens, ils vont donner la main avant les élections. Quand t'en as besoin, ils sont en réunion. Ils ont ben des pépins, surtout de digestion. Quand ils pètent enfin, ils pètent une dépression. Le papier du médecin, ce monsieur n'en peut plus. Le traitement qui convient, ça donne à Honolulu. Où est-ce qu'ils font des congrès pour être bien certains qu'ils seront pas tout seuls à rester des bons riens. Les bons riens. Besoin d'affection, ils sont comme les statues, ils ont besoin d'érection. C'est dans chambre de bain qu'ils ont des frissons quand ils se poignent le ouin ouin dans le trou du bain tourbillon. Un affaire de certains, ils ont bien du vécu, même qu'on les a vus à brossette du coin. Ils sont allés plus loin voir les danseuses tout nues. En sortant ben certains, ils ont demandé un reçu. Les bons riens, les bons riens, les bons riens, les bons riens. Quand j'en aperçois un, t'y fais ce gros pognon. J'suis jaloux, j'en conviens, qu'est-ce que tu veux, j'suis colon. C'est pour ça que matin, j'ai passé l'entrevue à Régine et mon rien pour devenir tape-cul. Ah, quel est votre nom? Moi, c'est Bini Ouin Ouin. Votre occupation? Ben, aspirant mon rien. Quel est votre but? Ben, un beau plan de pension. Eh ben, à quelle position? Ben, assis sur mon cul. C'est dans le convention à page 80. La compétition, faut tenir ça bien loin. Croyez-le oui ou non, j'ai coulé l'examen. Le patron m'en répond, t'auras dû n'en faire moins. On rit ben, beau dommage dans le fond. Faut pas rire des bons liens, Richard, mauvais garçon. Sont tellement humains que j'en ai des frissons. Ils ont tellement d'instinct qu'ils le poussent des tontons. Patron, je l'ai revu, j'ai dit vous irez très loin. Bonne affaire mon petit clin, comme ça on se verra plus. En passant, dis-moi donc, quand t'es couché dans ton foin, appousses-tu ton crayon pour te faire un dessin? Là, je finis ma chanson, ça, ça me rapporte rien. Oui, j'ai perdu mon nom dans le mouvement des jardins. Quand je roule dans la rue, puis que je vois un bon rien, pas capable, j'passe dessus, sans faire un plus en moins. Les bons riens, les bons riens, les bons riens, les bons riens, les bons riens, les bons riens, les bons riens. Excusez-moi. And Chica Joe's old people kids have had a sus my hose. Down, down, centre vite, l'espoir est une maladie. Docteur Avade, au papier, il dit je te paye une ride au paradis. Aller au ciel, j'étais un peu sceptique. Je m'en vais aller là quand j'aurais su. Que c'est que le bon Dieu, il y a contre l'Afrique. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. Yeah. Police, mes amis, ça va prendre des bandits bien vite. M'a faire rouler l'économie, m'a faire fronter la dynamite. Le gérant de banque, pas de bonne humeur. No way! Qui dit? T'es procédu, on t'a envoyé notre collecteur. Tu me dis qu'est-ce qui est devenu? Pour moi, c'est fait manger par la souffleuse ou par le gars de l'autre bord de la rue. Toute cette affaire est nébuleuse. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. On y monte à Outremont, eux les gratte-ciels, nous les gratteux. Nous expliquer qu'il n'y a pas de honte à s'amuser avec son pèteux. On a essayé par toutes les trous, y'a rien à faire sans trop blaser. On va essayer le tout pour le tout, on va les laisser dominer. Ils se pensent couverts par l'assurance, mais entre nous autres, ils vont être déçus. Y aura pas de perte de jouissance. On met un homme, on met un homme, on met un homme là-dessus. Mon chien y a fait faillite. Pour voir un gars qui a réussi, compte dans le jour, compte dans la nuit. Il dit je frappe ma femme et je flatte mon char. J'aime mon pays, mon voisin je l'haïs. Je l'écoute en me disant Richard, change la drogue de son mari. C'est pour ça que les gens honnêtes qui suivent la loi, le nez dans le cul, ils rentrent dedans pour disparaître. On met un homme, on met un homme. On met un homme là-dessus. Hey, toi, quand t'es là, tout va bien. Quand t'es pas là, tout va mal. Y'a rien qu'on fera pas pour toi, on est tout à genoux devant toi. Ton règne arrive, ta volonté est faite. Pardonne-nous nos dépenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont dépensés. On a tous succombé à ta chanson, délivrez-nous de la malle. Toi, l'argent. We'll be right back. un homme libre ou bien un bon par Dieu. Quoi? M'en mettre un homme là-dessus. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dali. Dormait dans son verseau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, à coups de taxe. Traverser le corps de bord en bord. Nous, les derniers humains de la terre. Le vieux Achille dit à soi, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet. Allez, dormez en paix. Le bruit du tonnerre, ni la rumeur de la rivière, mais le galop de milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur. Et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur, réveillez-vous. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come with you go, v'là les dans la clairière et disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, l'audi de gomme, s'avance et pogne le mégaphone. Nous venons de la porte du Big Control. Son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en. l'émission et signez-moi la reddition, car bien avant la nuit, nous regagnerons la Virginie. Bloody Yankees, bloody Yankees, you come with you go, bloody gringo. Alors je compte jusqu'à trois et toutes vos filles pour nos soldats. Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le chant de l'ancien. Tout désormais nous appartient. Et pour que tout soit bien compris, je compterai deux fois. Et pour les news, la CNN, tell me my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève. Et le soleil se leva. Des océans sans fin, sur terre à dos tressés de rêves. Et nous voici devant vivants, fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet de l'air. America, America, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je l'achète. Ça fait longtemps que je t'attends. Oh Gringo, viens-t'en, viens-t'en. Allez Gringo, que Dieu te blesse. La nuit dormait dans son berceau. Les chèvres buvaient au Rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort. Cri le fret et les barbares. Merci, bonsoir. Et surtout les médias, hein. Les médias valorisent les gens, mais une fois qu'ils sont morts. Donc, de leur vivant, c'est... Il était assez célèbre de son vivant. Mais ce qui est fou, c'est Plus vers la fin, hein. Ouais, plus vers la fin. Mais il avait un peu déconné aussi. C'est pas le seul à déconner, hein. Ouais. Mais lui, il avait un peu déconné dans le sens où il avait été assez agressif sur scène. Oui, mais Gérard Depardieu aussi, mais il reste quand même le comédien qu'il est. Il reste le comédien. Et puis Bill Hicks avait pas fait de cinéma, elle était uniquement stand-up. Et à l'époque, je me rappelle, en France, quand je parlais de ça, et Internet, tout ça n'existait non, pas. Ben non. Et les gens disaient, mais ça marchera jamais le stand-up en France, ça marchera jamais. Je disais, les mecs, ça a déjà existé, ça a toujours existé le stand-up, sauf qu'on joue pas avec le micro. Non. Sauf que dans les pays anglo-saxons et francophones comme le Québec, ça marchait parce que les lieux n'étaient pas équipés et puis il y avait du bruit dans les salles. Il y avait. J'ai oublié de vous dire, je prends pas de glace. Ah non, c'était Badoua. Et voilà, donc ça m'a toujours fasciné beaucoup. Et Carline aussi, tous ces mecs-là qui. Ouais, mais Fernand Reynaud en faisait aussi. Fernand Reynaud en faisait. Moi j'étais un fan de Fernand Reynaud. Tu sais que c'est incroyable parce que moi j'étais dans une chambre de bonne à Marseille. Mes grands-parents avaient un restaurant, ils me logeaient au-dessus, un tout petit restaurant, et je n'avais jamais vu jouer Fernand Reynaud. Et je lisais, j'étais tombé sur un bouquin, il y avait des bouquins partout, alors qu'eux, ils ne lisaient pas beaucoup. J'étais tombé sur les textes de Fernand Reynaud, merci. Et sans l'avoir vu. Hurlais de rire. Sans l'avoir vu, je hurlais de rire. Mais oui, Fernand Reynaud, tout à fait, c'est du stand-up. À une époque, il y a très longtemps, on appelait ça jouer à la cheminée. Oui. Parce que les mecs s'accoudaient à une cheminée. C'est vrai. Et ils racontaient. Et ils racontaient, etc. Ouais. Mais à une certaine époque aussi, on les appelait les conteurs. Il y a bien, bien des années avant. Encore maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Encore, il y a des stages de conteurs. Oui, oui, etc. Oui. Puis au Québec, il y en a beaucoup de conteurs. beaucoup de personnes qui, à travers des fables, les remettent à jour, racontent. Tout à fait. Ah bah ouais, ouais, il y en a un qui est très connu. Fred Pellerin. Fred Pellerin. C'est Pellerin. Lui qui cherchait. Ouais. Ouais. Mais pour moi, enfin, parce que ma mère était dingue quand j'étais môme dans les années 70. Ma mère. Est-ce était... que tu es né à Paris? Je suis né à Paris. Ma mère est mon père est parisien et ma mère est marseillaise. Ce qui fait que je naviguais beaucoup entre les deux. Une mère marseillaise, ça... Pas tellement, non, parce que... Pas tellement, non, elle était... Tu sais, c'était les époques après, c'était après les années 60, c'était nouvelle éducation, on ne voulait pas imposer aux enfants ce qu'eux avaient souffert. Peace and love? Pas tellement, non. Okay. Mon père faisait partie d'une équipe qui était très peace and love, mais il était le seul qui ne vivait pas dans la communauté, quoi. Okay, okay. Mais il croyait à l'idéologie, mais il ne voulait pas adhérer à ce qu'on proposait, à ce qu'on lui proposait. Je disais qu'à l'époque, c'était pas aussi le peace and love aussi fort que ça a été comme en Amérique du Nord, etc. C'était plutôt la gauche, quoi. Tu vois, c'était plutôt 68. C'est ça. Alors, c'était ça aussi, peace and love aussi, mais... C'était plus réactionnaire. Ici à Paris, mais 68, c'était très réactionnaire, ouais, politiquement. Mais au Québec aussi. Vous avez connu des trucs. Oui, le FLQ, le Front de libération du Québec. Oui. Mais, ouais. Mais toi, lorsque tu es arrivé, ben, à l'origine, tu voulais faire rire ou tu voulais jouer l'après-midi. Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, en fait, moi, j'étais très attiré par la comédie. Moi, j'adorais la troupe, l'équipe, parce que j'avais vécu, mon père avait vécu des équipes, des troupes très importantes. Moi, je voulais vivre des troupes, des équipes. Et puis, j'étais parti là-dessus avec des copains, on avait fait des bandes, on avait fait des spectacles en groupe. Et puis, j'étais fasciné aussi par le solo. J'étais fasciné surtout par des gens comme tu connais, Philippe Cobert. Ça me dit quelque chose. Il est très connu ici en France. Il a fait des spectacles où il joue 400 personnages. Ça très vite. Ah oui, ok. Très drôle, très poignant, très émouvant et en même temps, oui, très drôle. Au Québec, on en a un qui s'appelle Jean Lapointe, à une certaine époque, qui faisait ça. Tout à fait. Mais qui mêlait aussi la chanson avec ça. Tout à fait. Ah, ouais. Il y a un gars. Est-ce aussi. Que tu connais Jean Lapointe? Ouais, alors, Jean Lapointe, moi, mais je connais ce gars, putain, j'ai oublié son nom, que j'adore. Je sais pas quel âge il a maintenant. Yvon Deschamps? Écoute, il avait fait cette chanson sur les mecs qui reviennent d'Espagne en galion, puis ça coule, et puis ils sont tous, quand, au moment où il y a une tempête, ils promettent toutes de filer leur fric, etc. Ah, et tout. Puis le bateau coule pas, la tempête se calme. Okay. Et puis les mecs, ils sont là, super, mais non, on va dispenser ça pour les putes, on va dispenser ça pour tout. Et ça, ouais, c'est génial. Ah. À quelle année, 90? Ouais, dans les années 90. Il a fait beaucoup de chansons sur, il a fait une chanson sur le chômage. Où il dit « comare » en latin, ça veut dire « se reposer ». Ah, je connais pas. Ah, oh, peut-être, je suis sûr que tu le connais. Okay. Il joue du piano, il a fait beaucoup de clubs, il est très drôle. Faulkner? Stéphane Faulkner, non? Non. Je vais retrouver, ah, parce oui, que oui, j'ai, oui. J'ai le CD à la maison et j'ai adoré ah, ça. Ah ouais, t'as le CD? Moi, je suis un des seuls Français, je crois, qui connaît peut-être autant par cœur, parce que ma mère a écouté que ça toute mon enfance, c'est Félix Leclerc. Ah oui, ouais, oui, ça, ben c'est oui. Le dieu, oui, le, oui. C'est le dieu. Oui. C'est... Là, je dois rencontrer sans doute la fille de Canetti. La fille de? La fille de Canetti. Ah, Canetti, ah ben ouais. Ah oui, l'incroyable Canetti. Elle l'a révélé François en français. Canetti. Ouais. Ben, en fait, c'est le groupe Canetti, le père de Françoise, qui a mis sur la place publique Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Raymond, excuse-moi Raymond, Raymond Lévesque. Ouais. Quand les hommes vivront d'amour, la chanson la plus connue au niveau de la francophonie. Ah ben ouais. Et voilà, adorée de tous, et qui a été choisie par France Inter comme la chanson la plus représentative de la langue française. Ouais. C'est fort, hein? C'est quand vous avez fait l'album Le Loup... Le Loup, le Renard, le Lièvre avec Félix Leclerc. Claire, Vigneault. Oui, puis Charlebois. Et Charlebois. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est un sublime album. Ah oui, oui, oui. Une fois cinq aussi, une fois cinq, c'est extraordinaire. Avec Gilles Vigneault, ouais. Y a Claude Léveillé qui est décédé. Il y a Jean-Pierre Ferland et il y en a un que j'oublie. Et tu sais qu'avec le recul, je me dis maintenant, Félix Leclerc... Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, Ils vont Deschamps aussi. Moins, on l'a oublié, Yvon Deschamps. Sauf que Les Fesses, la chanson Les Fesses, a été repris par les frères Jacques. Ouais, les Fesses, pas, est-ce que tu connais la chanson Les Fesses? Non. Les Fesses, il y en a des belles, il y en a des slacks. Non, c'est ça. Non, ça va être Ok, mais tu revois ça par les frères Jacques, c'est incroyable. Et ça vient d'Yvon Deschamps. Toi, tu connais-tu la parole populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier, c'est la langue des chambres pis des chantiers. man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on est pas des blocs! On est pas des blocs! C'est bon le choix! Ça garoche! C'est bon le choix! Ça clenche en masse! C'est bon le choix! Ça fesse dans le dash! Faut que ceux-là qui disent qu'on va le mal! C'est bon le choix! On va ouais, c'est qu'on va ouais! C'est bon le choix! Et si tu veux la guerre? C'est bon le choix! Tu veux la ouais! Je prends la ligne blanche. se prête, même en vacances. J'ai la tête à la défaite, j'ai tous les membres nets, frettes. T'es pas prête, fait que je pense de faire que je, nuit après nuit, depuis novembre, me répète cette cassette, cette séquence, cette fuite sans raison. Comment ça va, vous autres, à soir? Quand j'ai vu ta bête au fond du verre bouteille en 97 ou 18, ah t'étais pas vieille, t'étais pas lette, a fallu tout de suite que je m'asseye. C'est ça que j'ai fait, c'est ça, je l'ai fait pareil. C'est pas que je regrette, ah non, mais t'sais, non mais hey, je l'avais-tu donc vu, je le savais donc. Ça a pas fait là! Fait que suite à ça, j'ai pris l'avion le 7. Ah non, le 6, ah oui, c'est ça, la veille! Avec des dettes au cœur et puis aux oreilles. À part de ça, moi, des dettes aux oreilles. Jamais eu ça, moi, jamais! Fait que, hey, t'étais pas là, toi, t'étais à Marseille, je sais pas, mais mon feeling était pas bien bon. Dans l'avion. Ah, pis là, là-bas, ben, comme à Montréal, et dedans mon dedans, il bouillait dans mes sandales, et dedans mon devant, de projet familial. Ah, papa pis maman, pour de vrai, mon idéal, totalement, se diluait comme à Montréal. Et dedans, mon dedans, il mouillait sale, il mouillait du sang de cochon. Voyons donc. Voyons donc. Reviens donc. C'est à Barcelone que s'est offerte la découverte, la occasion, la grande porte, grande ouverte, pour que ressonnent enfin les clochettes, pour que repogne le fun après la perte de ta personne, de ta face, de ta bête. Ma bête pas lette, mais bête pas prête. Tentation! Aïe, aïe, donc! Sur le bol blanc, frais de toilette, enfin de vol, enfin de trajet, réflexion folle, que c'est que je t'ai fait, réflexion dol, réflexion muette, que je bricole, que je médite, que je projette au fond du cabinet, tourbillon. Voyons donc. Okay. Oui, touche couraille de toi et bord. J'aimerais ça le faire comme tu le fais, toi. Courroyer, mais sans effort. C'est comme en prenant le temps de regarder. C'est-tu le fun dehors? C'est-tu le fun le sport? C'est-tu le fun jouer? C'est-tu le fun encore? J'ai oublié que c'est? J'ai trop de budget prévisionnel à présenter. T'as pas de l'air à forcer fort. T'as pas trop de l'air à trop te stresser. T'as pas même vu le trafic dehors. T'as pas même peur de te faire frapper. T'as pas de retard. T'as pas même d'honoraire à charger. T'as pas de remords, t'as pas de boss ni d'employé. T'as pas de crosse à camoufler. T'as rien à cacher, toi. Ah! Ah! Ah! Dans ton plein boulevard, t'as donc ben pas là. Oh, attendons, emmène-moi quelque part. Et tu sais que Félix Leclerc, c'est un des premiers qui a fait du slam. Oui, bah oui, oh oui, c'est vrai. C'est il chantait quand même, il chantait bien. Oh, mais oui, c'est le premier. Guitare-voix, guitare-voix. Le Tour de l'île. Oui, c'est oui, presque oui, du oui. slam, le ah, Tour oui, de l'île. Et c'est majestueux, c'est incroyable. Autant l'île que la chanson. Ah, ouais, ouais. Mais, voilà. Mais alors, toi, tu n'as pas, tu as fait aucune école? Si, j'ai fait beaucoup d'écoles. Okay. Déjà, l'école de mon père qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai zoné dans un tas de cours. Okay. Et puis j'ai fait aussi des stages. Là, je vais en faire un passionnant sur le masque balinais que j'aime beaucoup. Ah, tu fais encore des stages? Ouais, parce que là, en fait, j'ai rencontré un grand maître de stage, un grand maître de, un transmetteur. C'est vraiment un type sur le masque. Ça me fascine parce qu'il y a beaucoup de corps et certains comédiens, un grand comédien d'une grande troupe qui s'appelle le Théâtre du Soleil, travaillaient avec des masques et quand ils avaient le personnage, ils enlevaient le masque et c'était encore plus fort. Ah oui. Parce qu'en latin. Masque, ça vient du mot personae, personnage. Donc en travaillant à l'aide de cet accessoire, ils arrivaient à trouver des personnages. Et puis parce que c'est. Comme je travaille aussi sur un spectacle où il y a beaucoup de techniques de corps, le masque aide beaucoup à ça. Et puis ça m'a fasciné, j'ai beaucoup aimé. Et puis les masques balinais sont magnifiques. Mais surtout que le masque, tu dois exprimer autrement qu'avec le visage. Donc tu masques le visage et c'est le corps qui doit parler. Ouais. Le corps doit parler et en fin de compte, surtout le rythme du corps, la musique du corps intérieur qui fait que ça apparaît comme quelque chose de très intéressant. Et puis j'aime beaucoup le personnage, alors comme c'est un stage de 10 jours et que j'ai un peu de temps, Attends. Je me suis dit tiens, je vais aller faire à ça. Lieu? Non, en Belgique. Oh, ok. Oh. Dans les Ardennes. Okay. Oh, oui. Ouais. Il va faire froid. Hein. Oh, mais c'est beau, c'est très beau. Faire, on met au Québec, ouais. La froidure, on connaît pas ça. Hein. On a la peau en conséquence, donc. Ah, l'été, il fait beau, hein? Oui, l'été, il fait beau, très chaud, et l'hiver, il fait très froid. Ouais. Mais nous, la froidure, on la reconnaît pas. Ça fait partie de nous. Hein. Ouais. La froidure, c'est quelque chose qui... Ça, c'est un truc que je veux vivre un jour, ça. Le mois de janvier. Le mois de janvier. Le 14 janvier, en plein milieu de la ville de Québec. C'est une expérience unique. Ah, ouais. Et après ça, t'en cries, tu fais un spectacle là-dessus. Mais moi, j'ai fait Helsinki, j'ai fait la Finlande en hiver. Ah oui, ah ben là, ça arrive d'avoir. Il y avait des gens qui avaient des masques dans la rue. Ah oui, mais ça, c'est... OK, oui. Mais c'est un froid sec, alors qu'ici, nous, on a un froid humide. Chez nous aussi, très humide. Tandis que là-bas, c'est très, très sec. Ouais. Ouais. Chez nous, au Québec, c'est très, très humide. Ouais. Et toi, la comédie, as-tu déjà voulu faire acteur plus dramatique? Ben, c'est très lié. Les deux sont très liés. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un petit décalage entre le dramatique. Moi, je trouve que les grands humoristes, tu parlais de Fernand Reynaud, c'est toujours très lié au drame, en fin de compte. Ouais. Parce que c'est... On fait rire, un des grands patrons de ça, ça a été Chaplin. C'est-à-dire qu'on fait rire, un mec qui glisse sur une peau de banane, pour lui c'est terrible, quoi. Je ferai référence à des sketchs, à des grands sketchs québécois aussi. C'est-à-dire que, comme tu me citais tout à l'heure, là, la grande star québécoise de l'humour, qui a maintenant... Il a quel âge? 85 ans? 90 ans? Il a quel âge? Yvan Deschamps, il a 82, 83, ouais. Il a souvent fait rire avec des choses dramatiques, quand il a critiqué le truc sur les handicapés, etc. C'était dur, c'était une grande claque, et en même temps, il faisait rire avec un drame, quoi. Ouais. Donc, le drame, le comique, c'est très lié, c'est une feuille de papier, quoi. C'est vrai. Je pense que tout le monde le sait, les grands humoristes ont toujours été des grands dramatiques, Bourville, je pense à... Coluche, etc. Mais c'est vrai que j'aime la comédie. Puis c'est vicieux ce que je vais dire, mais en même temps c'est tellement vrai. C'est que la comédie en scène, tu sais tout de suite si ça marche. Ouais, le drame, tu sais pas. Ah, il n'y a pas de triche. Le drame, tu sais qu'au salut. Tu sais qu'aux applaudissements. C'est un peu quoi. Comme au Japon, quand tu fais un spectacle, tu sais juste à la fin si les gens apprécient parce qu'ils applaudissent à la fin. Ouais. Donc ça peut être long. Un spectacle de 20 chansons là, sans aucune manifestation là, devant un Asiatique qui est assis comme ça et qui écoute, là, ça peut. C'est-à-dire les jeunes Asiatiques qui sont là depuis quelques années, ils se lâchent. Hein, okay, c'est nouveau. C'est nouveau. Ah ouais? Dans les concerts, les machins et tout, ils sont comme des fous. OK, parce qu'avant ça, c'était pas ça. Ah ouais? Hey, Diane Dufresne disait que, elle chantait puis elle se disait, je suis en train de faire un bide. Donc, là, elle avait peur, puis à la fin, le public, 25 minutes d'ovation. Là, elle a dit, ouf, elle a respiré un peu. Diane Dufresne, c'était un personnage. Oui, toujours aujourd'hui. Ouais. Oui, en marge. Elle se fait rare et sa présence est aimée de tous. Donc, on attend Diane Dufresne. Quelquefois, elle fait des duos improvisés, on ne sait pas qu'elle est invitée, et c'est toujours l'ovation lorsqu'on la voit. C'est une diva. Quel personnage extraordinaire. Ouais. Donc, elle a cultivé son absence. Donc, lorsqu'elle se présente, c'est vraiment de l'art, puisqu'on ne s'y attend pas. Et ça, c'est la liberté absolue, hein, de choisir si on y va ou si on n'y va pas. La liberté, c'est ça, c'est de choisir. C'est ce qu'on manque, c'est ce qu'il y a plus ici aujourd'hui. On accepte des fois des choses pour le cacher, mais on se sent mal à l'aise avec ça. Diane Dufresne n'a jamais fait ça. Elle a toujours été selon... Mais toi, l'humour t'a été inspiré aussi par ton père ou à travers... tout ce que tu as lu, à travers tout ce que tu as... Bonne question. Je dirais, ça m'a fasciné enfant de voir la puissance sur scène d'acteurs qui étaient très généreux, qui étaient très présents. Je dirais pas en force, parce que ça pourrait être mal interprété, mais qui avaient une puissance comique, ça m'a fasciné. Ouais. J'ai trouvé ça fabuleux. Et puis après, ce qui m'a fasciné le plus, ce qui s'est découché, c'est comme un millefeuille, c'est en fin de compte, c'est le contenu. C'est-à-dire que c'est des gens qui racontaient toujours des failles, en fin de compte, qui racontaient des échecs ou des problèmes. J'ai lu un truc d'un auteur américain là, qui donne des cours de scénarisation. Il dit, attache-toi plus à tout ce que va essayer de faire ton personnage, ce qu'elle va y réussir ou ce qui va que son but en fin de compte. C'est ça que je citais de Chaplin tout à l'heure, parce que ce qui est extraordinaire Chaplin, c'est que il essaye plein de choses, il fait plein de choses, il essaye d'avoir de l'argent pour cette fille, pour se guérir dans les lumières de la ville, je crois, pour guérir le fait qu'elle est aveugle. Ouais. Et en fait, à la fin, il reste toujours SDF. À la fin, il reste toujours Homeland, Homeless, comme on dit. Elle s'appelle Fillette aux grands yeux, elle s'appelle Marchand au melon, elle s'appelle Comtesse de Saint-Gueux, la vie est belle sous ses jupons, elle chante un air de rhum anglais quand elle se cabre, chaude et douce comme un grand serpent, des marais pelés dorés de perles roussées, elle est magique le temps de rêve, elle est moche le temps d'une vie, j'aime à goûter l'eau de ses lèvres quand aucun mot n'en jaillit, elle est belle et gonfle mon cœur de plaine et de grands oiseaux bleus, qui sont mêlés qui me font peur quand j'entends leur rire s'amoureux. Si tu pouvais mourir, je t'aimerais cent fois pire, si tu pouvais. Jamais j'aurai faim, j'aurai soif, j'aurai froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content Il s'appelle les marchands de boutons, il s'appelle les comptes mais de leur compagnie. Mais un poison, il me sourit, il me piétine, il m'embrasse ou me carabine. Ils ont des idées et des mots qu'ils bavent après son ou de beau. Et que peut sans se demander s'ils méritent eux-mêmes de rester. Balance à leur rejetant la marche à suivre, être un con. Ils sont honnêtement et gentils, cherchent le bonheur à tout prix. S'ils se cachent dans un frigo, ils en achèteront le plus gros. Si vous pouviez mourir, je vous aimerais cent fois pire. Si vous pouviez tous vous entretuer, j'aurais faim, j'aurais soif, j'aurais froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. J'ai mal au cœur et au poumon. Et puis moi le chien galeux qui se bouffe au fond de sa prison. Moi qui sourit ou qui piétine, moi qui embrasse ou qui carabine. Moi qui décide des éléments que je bave après son ou deux. Pour moi avec le con qui me déteste, moi le grand oiseau et le bal. Moi le vieillard rongé de peste et moi le gars mais solitaire. Moi qui crache surtout et sourit et fuit en cherchant mon copain. Moi qui s'perd des grands soupirs mais qui est plus capable de se sentir. Si je pouvais mourir, je m'aimerais cent fois pire. Si je pouvais m'éteindre à jamais, j'aurais faim, j'aurais. J'aurais froid et chaud, comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. En Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Toujours plus fort. Don't say. Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. C'est une fille qui a du gêne, me fait manger dans sa main. C'est une fille un peu cruelle. C'est une fille intéressante, elle a du fric et de la chance. C'est une fête perpétuelle. Le genre de fille, elle chante le genre de fille. Elle me semble le genre de fille, elle me semble le genre de fille. Elle chante le genre de fille, aberrante le genre de fille. Énervante le genre de fille, arrogante le genre de fille. J'en ai marre, je me barre de ta vie. Je tourne en rond près de toi. Oui, j'en ai marre, je me barre de ta vie. Et je te glisse entre les doigts. Je fous le camp et je m'en fiche. Je me fous que tu sois ma vie. Je fous le camp, tu survivras. Je fous le camp, je décarpille. Je fous le camp très loin d'ici. Je fous le camp très loin de toi. C'est une fille qui bouge bien. C'est une fille à baldaquin. Le ciel au lit, le lit au ciel. C'est une fille tournissante. Elle a le chic et l'indécence. C'est une bombe sexuelle. Le genre de fille. Je me barre de ta vie, je tourne en rond près de toi. Oui, j'en ai marre, je me barre de ta vie. Je te glisse entre les doigts. Je fous le camp et je m'en fiche. Je me fous que tu sois ma vie. Je fous le camp, tu survivras. Je fous le camp, je décapille. Je fous le camp très loin d'ici. Je fous le camp très loin de toi. Il a fait plein de trucs, il s'est pris des échecs et tout, et c'est ça qui est fascinant, je trouve, dans l'humour, dans la dramaturgie, c'est qu'est-ce qu'il va, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va vivre. Là récemment, je suis très content, j'ai un sketch qui a marché très fort. C'est une histoire vraie. Un jour, je suis allé voir un ostéopathe parce que j'avais des problèmes de dos et tout le monde me disait, va voir un ostéo. On dit la même chose au Québec, on dit un ostéo. On essaie de rétrécir les terminaisons. Voilà. Ouais. Et je suis allé voir un ostéo et il m'a massacré le dos et j'ai fait un mois d'hôpital. Est-ce que tu peux revenir contre lui? Alors, à l'époque, j'étais. Okay, je culpabilisais à l'époque. À l'époque, je me disais, c'est ma faute. Okay. Tu vois. Je me disais, c'est ma faute. Et en fait, à l'hôpital, ils m'ont dit, mais vous avez rien, on voit rien. Et moi, je ne pouvais pas bouger. Et en fin de compte, c'est dans la tête. J'avais des problèmes à l'époque. Ouais. Ils disaient nanana. Et c'est ça qui m'a bloqué. Et puis lui aussi. Mais bon, et j'ai raconté tout ce passage avec ce mec qui m'a manipulé, qui m'a fait valdinguer. Il a fait, tu vois, il m'a fait bouger mon corps, même avec une femme, j'ai jamais autant bougé. Oui, quoi. Le Kama Sutra, c'est rien à côté de ça. Le Kama Sutra, c'est rien. Ça ne veut plus le dire. Et en fait, c'est ça que. Et j'étais très content que ça marche et que ça passe à la radio. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc c'est souvent des personnages en perdition. Ce que l'on est nous, en fin de compte, ce que l'on est nous dans notre vie, où on est dans une tourmente, on est dépassé par cette vie, ce mode de consommation, par tout ce qui nous entoure. Depuis la nuit des temps, maintenant, hein, ça. Je suis sûr que l'homme de Néandertal aussi, il avait des problèmes à la chasse aux mammouths ou dans les grottes avec les cochons. Et puis déjà, allumer son feu, c'était toute une histoire. Mais est-ce que lorsque tu veux raconter une histoire véridique qui t'est arrivée, tu essaies de trouver les points les plus chauds et les grossir et les amener d'une manière plus énorme? Écoute, c'est incroyable. J'ai raconté un jour une histoire, tout le monde me disait c'est énorme. C'était une histoire qui était longue, qui durait 15-20 minutes. Et je disais aux gens, je vous jure, la vérité c'est pire. La vérité a été pire, quoi. Je crois, et j'en suis même convaincu, que ce qui est primordial, c'est le personnage, la situation. Okay. Et qu'à partir de ça, si c'est fait avec sincérité... Il y a une grande humoriste américaine qui s'appelle Judy Parker. Tu connais Stand-Up Comedy? Elle explique tout. Elle dit, n'essayez pas de faire rire. N'essayez pas de faire rire. C'est vrai, moi avec des copains, des fois on a écrit, je devais faire un truc pour la télé, il fallait vite écrire, on cherchait des punchlines, on cherchait des trucs drôles et tout. Ouais, il y avait des choses qui étaient drôles, mais ça n'a pas tellement bien marché parce que on n'était pas sincère, on n'a pas essayé d'aller vraiment au fond du problème. Au fond du truc, c'est qu'est-ce que vraiment ça évoque pour toi, ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? C'est peut-être pas toujours drôle, mais il va se passer un moment où, à force de twister, de le tordre dans tous les sens, tu vas trouver quelque chose de drôle. Et elle le dit, tu dis par cœur, ne cherchez pas à être drôle. Et c'est vrai, dès que tu cherches à être drôle, tu te mets une pression. Non, ouais. Mais dès que tu es sincère, machin, quand il a fait le truc sur les handicapés, merde, tu me dis. Yvon Deschamps. C'est un dieu vivant au Québec. Quand il a fait ça, et puis d'autres sketchs, je suis sûr qu'il était super sincère. C'était vraiment, qu'est-ce que je veux dire? Ben c'est aussi un homme qui a amené au public les travers de notre société québécoise, sans aucune gêne. Donc, il nous vissait au plancher. Il nous remettait nos problèmes. C'est un miroir. Ils vont dire ça, c'est un miroir. Et donc, quelquefois, il était très dur vis-à-vis des femmes. Il était très dur vis-à-vis des adolescents. Il était très dur. Il parlait des adolescents comme les grands flambous. Les grands flambous qu'on ne comprenait plus. Puis, à un moment donné, pendant toute sa vie, les adolescents essaient de réapprendre à parler. Mais au début, hein, quand ils ont 15-16 ans, on comprend pas. Et donc, il dit, moi, j'ai pas de décodeur. C'est incroyable ce que tu viens de dire, parce que tu sais que c'est Sophocle qui a dit, le théâtre doit être le miroir de la ville, oui. Le miroir de la cité. Effectivement. Et beaucoup d'humoristes, aujourd'hui, oublient sans doute ça, de remettre en question une société et de la présenter autrement, pour que les gens, en sortant du théâtre, se disent, ouais, mais peut-être que dans ma vie, je vais revoir ça. Ou c'est moi se poser la question. Oui, c'est ça. Oui, déjà, ça titille quelque chose. L'humour pour l'humour, ça n'a pas vraiment sa place. Il y en a beaucoup. Hein. Le cul a été surévalué au Québec. On a beaucoup d'humour cucu, l'histoire d'amour, l'histoire aussi absente que ça. Et il y a un humoriste absurde au Québec qui s'appelle Claude Meunier, qui disait... Autant d'humoristes, mais si peu d'humour. Ouais. Beaucoup d'humoristes, hein? il y en a des humoristes, mais ceux qui nous font vraiment rire, et rire en amenant une réflexion, ils sont très rares. Très rares. Et c'est à se demander... souvent, ça s'épure, hein? Donc les meilleurs restent et les autres se noient dans l'oubli. Qu'est-ce qu'il y a comme humoriste intéressant en ce moment au Québec? Claude Meunier, mais ça c'est quand même un ancien. Dans les récents. Bonne question, j'aurais dû réfléchir avant. Je sais pas qui disait, moi j'ai pas l'air intelligent quand je réfléchis, mais c'est un humoriste. C'est ça, Tu aimes George Carlin? Oui. Ah, André Sauvé! Ah oui. André Sauvé qui est venu au Point Virgule faire un spectacle, là, puis l'accueil a été extraordinaire. Oui, puis. André Sauvé, il est tout jeune. Oui, il est frisé. Meg. André Sauvé. Je vais aller voir. Comment ça s'écrit, Sauvé? Non, Sauvé, S-A-U-V-E, accent aigu. Je vais aller voir. Oh, oui. Puis il est au Point Virgule, il retourne au Point Virgule là, dans quelques mois. Il l'est passé il y a 2 semaines. Et il y a des Français en ce moment au Québec? Oui, beaucoup. J'allais dire beaucoup trop parce que... Au niveau du festival ou au niveau... Au niveau comme Anne Romanoff revient pour un spectacle à Montréal. Et je l'ai rencontré ce matin. Sinon, des Français, oui. Il y a Jamel Debbouze. Ouais. Sinon, il y en a beaucoup. Celui qui a travaillé à New York et après la descente des tours est revenu ici. Parce qu'il s'est dit, je veux faire de l'humour. Donc, à l'époque, il n'en faisait pas. Il était un homme d'affaires, mais après... Ah, François-Xavier de Maison. Voilà, c'est ça. Voilà. Un peu inaccessible. Ouais. Un peu inaccessible. Et toi, dans l'humour, est-ce que tu préfères la troupe ou tu préfères le one-man show? Les deux, l'un et l'autre. Je ne peux pas me passer de l'un et l'autre. Okay. Voilà, j'ai joué une pièce, très belle pièce, au Théâtre Saint-Georges à Paris. Mais voilà, tous les jours... Ça s'est terminé quand? Ça s'est terminé fin avril. OK. Et là, on refait une petite tournée entre septembre et décembre. Je travaille. Tu vois, il y a deux textes auxquels je tiens beaucoup, que j'arrive pas à finir depuis 9 ans parce que j'ai un angle que j'arrive pas à trouver. Mais enfin, j'y arrive avec ça. Qui là, pour le coup, sont très sociétales. Mais je continue. Et le par exemple, tu vois, heureusement, il y a 2 semaines, 3 semaines, je suis allé à Rire et Chanson enregistrer de nouveaux sketchs. Ah ouais. J'étais très content, tu vois. Je croyais que tu prenais des trucs en public, des spectacles qui Ah non, qui non, non, c'est des soirées spécifiques. Ah, okay. On est choisi, sélectionné. Enfin, voilà, on fait une proposition. Ils disent oui, non. Et j'en avais déjà fait un normalement, c'est une fois tous les 6 mois. T'as pas le droit de le faire. Et moi, ils m'ont accordé le truc. J'en ai fait un au mois de... Là, il y a 3 semaines, et j'en avais fait un autre au mois de mars. Et comment ça se présente? Tu fais juste un numéro? Alors, c'est au grand point virgule, c'est à Montparnasse, tu connais. Ouais. Et c'est dans la grande salle, il y a un présentateur, Guillaume Pau, et puis on est 4-5, et on fait chacun 2 sketchs. De combien? De 10-15 minutes? Chacun doit faire, on ne doit pas faire plus de 12 minutes. Ok. Moi, je suis très fier, parce qu'en général, à chaque fois, j'arrive des trucs, des fois, ça fait entre 6 et 8, okay. Et au final, ça doit faire 4. Et moi, à la radio, à chaque fois, j'ai 5, 6, 7 qui passent, donc je suis super content, quoi. C'est payant, un peu? C'est payant en droit d'auteur. Non. La soirée n'est pas payée, mais c'est payant en droit d'auteur. Ok. Est-ce que tu as une improvisation sur scène lorsque tu présentes tes numéros? Ça arrive souvent, ouais. Ça arrive plus en spectacle entier qu'en petite soirée où tu fais que 10 minutes. Je l'étais concentré dans le temps. Ouais, c'est concentré dans le temps. Mais en scène, oui, souvent. As-tu des jeux? J'ai fait une très belle impro au Québec. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Au Théâtre Saint-Denis, j'étais rentré en scène et puis j'avais dit... J'avais dit est-ce qu'il y a des Québécois dans la salle? Alors j'aurais fait ouais. Et j'avais dit est-ce qu'il y a des Canadiens dans la salle? Ouais. J'ai bien compris la différence, qu'il fallait faire attention. Voilà, et ça avait bien marché. Ouais. Je sais pourquoi j'ai fait 2-3 trucs comme ça, mais qu'est-ce qui m'était arrivé au Québec? Ah, au Comedy Zone, je m'étais éclaté au Comedy Zone. J'aurais adoré. Est-ce que t'es intéressé par l'improvisation en tant que telle, les lignes d'impro? Oui, ça prend beaucoup de temps parce que c'est faut travailler, faut bah c'est comme tout, il faut vraiment s'investir et tout, c'est trop aussi. Mais ouais, j'en ai fait. Bah là, en fait, le stage que je vais faire, c'est ça. Ils font aussi un gros travail d'impro. Mais vous avez une ligne d'improvisation assez intéressante ici en France. Oui, il y a une bonne ligne. Qui vient d'ailleurs, qui a été beaucoup inspirée de la ligne au Québec. Qui vient de chez nous. Hein? Qui vient de chez nous. Ah oui, qui vient de chez nous. Oui, c'est ça. Alors souvent, vous venez au Québec pour faire la ligne. Il y a la ligne d'improvisation africaine, il y a française, il y a suisse, il y a belge. Ouais. Ça a beaucoup marqué, c'est vraiment venu du Québec. Robert Gravel. Pas que je continuerai de me laisser faire comme ça. Je pense qu'il est temps que je me réveille, que mon cadran sonne. Et tant que tes conneries arrêtent de me taper dans la gueule, arrête d'épingler les affiches de mes défauts sur les murs. que t'as construit. Adieu aux faux adieux, aux promesses de pute. Tu viendras plus me voir en faisant le chien en route. Arrête de faire l'adolescent égocentrique. Puis pour une fois, ben fais un vrai homme de toi. Bet t'es pas game, trop peu de droit, j'aime les têtes. Déchirer les images de tes trahisons, déchirer les poèmes de tes mensonges. Je t'effacerai comme les brouillantes chansons poches que je t'ai écrites. Je les jetterai au feu et ils brûleront. Vas-y jusqu'au bout, finis-moi ça. Calisse-moi là. J'te bête t'es pas game, trop peu de droit, que j'aimerais peut-être ça. J'te bête t'es pas game, trop peu de droit, que j'aimerais peut-être ça. J'aime ce prétendre que je suis. J'ai pas de cheval, ben j'ai une bonne paire de bottes coulées, pis un chapeau que j'ai pogné. bien, c'est les Lapointe par ici. Si vous voulez parler à Jean-Marie, faites le 1. Si vous voulez parler aux vieux, ben faites comme d'habitude. Je m'en vais plus loin, je m'en vais plus vite, mais en même temps, je m'en vais. Il y a un an déjà, je te disais, me v'là. Je m'en vais plus loin, je m'en vais plus vite, mais en même temps, je m'en vais. Il y a un an déjà, je te disais, me v'là. Mais là, je m'en vais plus loin. Est-ce que je vais me rendre au bout de mon chemin? Car le chemin que j'ai choisi sera peut-être plus long. Si je vous...